Ajahn Chah. Contemplation du corps. Enseignement à l'intention des candidats à l'ordination. Chers moines, ces robes que vous portez sont la bannière du Bouddha. Réfléchissez. Demain, vous irez au village quêter votre nourriture. Les gens seront heureux de vous offrir leur nourriture et de vous montrer du respect. Même les personnes âgées avec leur tête blanche et leur dos courbé feront preuve de respect envers vous. Pourquoi ? À cause du pouvoir des robes ocre. Ces robes sont le pouvoir ultime. Si vous ne les utilisez pas correctement, les gens des villages vont penser que vous avez perdu l'esprit. Leur seul verdict sera de se dire « Ils sont fous ». Le jour de votre ordination, lorsque vous vous engagez dans le bouddhisme en tant que moine ou nonne, on peut vous donner toutes sortes d'instructions. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire grand-chose. Je ferai comme les vieux maîtres d'autrefois qui nous exhortaient à apprendre et à pratiquer la méditation, en particulier la méditation sur les cinq parties extérieures du corps, à savoir les cheveux, les poils, les ongles, les dents et la peau. Quand on se contente d'en parler, cela peut paraître un jeu d'enfant, mais si on médite attentivement dessus encore et encore, ce sont des thèmes de réflexion très profonds. Nous sommes ici pour apprendre à méditer, et la méditation, ce sont ces cinq objets, à savoir les vénérables cheveux, vénérables ongles, etc. On les appelle les méditations racines. Ces cinq objets de contemplation sont nés en même temps que nous. Ils ont toujours été avec nous, mais nous n'en étions pas conscients. Il est donc nécessaire de les étudier et ils deviendront un appui qui nous permettra d'entrer sur la voie du Nibbana. Quand vous étudiez un objet de méditation racine, vous pouvez établir la vision juste et contempler tout ce que cet objet représente. Certains diront qu'ils savent déjà ce que sont les cheveux, les ongles, etc. et demanderont pourquoi ils devraient les étudier de plus près. En réalité, ils ne savent rien du tout. Ils ne connaissent pas vraiment leurs propres cheveux, leurs propres ongles, ni le reste. Ils ne les voient pas dans leur vérité. Les moines de méditation entendent toujours ce type de remarques, mais ils ne se laissent pas affecter. Les cheveux naissent sur la peau du crâne et sont nourris par les fluides du corps. Il en va de même pour les poils et les ongles. Mais il n'y a pas de quoi en faire une obsession. Quand les gens essaient de se faire beau, ils n'agissent pas selon la voie de la vérité. Ils mettent de beaux habits et essaient d'embellir des choses que nous ne considérons pas comme belles. Avez-vous remarqué comment on a bien habillé le cadavre qui était dans la salle de méditation avant la cérémonie des funérailles l'autre jour ? Dans ces occasions, on voit très clairement que les gens essaient de rendre beau quelque chose qui n'est en réalité ni beau ni propre. En vérité, notre corps n'a rien de propre. C'est une illusion, comme croire que les cheveux sont beaux. Comment pourraient-ils l'être ? Sont-ils propres ? Il n'y a rien de naturellement propre ou beau dans les cheveux. Mettez un soi-disant beau cheveu dans l'assiette de quelqu'un et voyez comment il réagit. Va-t-il vouloir finir son plat ? Mettez des cheveux par terre et voyez si quelqu'un va se baisser pour les ramasser. Si vous voyez de la peau ou des ongles sur la route du village quand vous allez quêter votre nourriture, aurez-vous envie de les ramasser pour une raison quelconque ? Voilà la vérité de ces parties du corps. Mais les gens s'efforcent toujours de les décorer et de les embellir, ce qui ne sert qu'à tromper tout le monde. Il est facile de nous tromper parce que nous ne connaissons pas la véritable nature des cheveux, des poils, des ongles, des dents et de la peau. Alors, lorsque nous sommes ordonnés moines ou nonnes, on nous demande de prendre ces 5 objets de contemplation et on nous les montre tels qu'ils sont réellement. Les cheveux ne sont pas beaux, les poils ne sont pas beaux, les ongles ne sont pas beaux, les dents ne sont pas belles, la peau n'est pas belle. On nous montre qu'ils ne sont ni propres ni attirants, même si les gens insistent pour les embellir et ainsi nous tromper. Si nous ne voyons pas cette vérité, nous ne voyons pas le Bouddha. Ses apparences nous cachent le Bouddha. On nous apprend donc à purifier et à clarifier notre regard par rapport à ces choses-là. Réfléchissez, méditez dessus. Vous pouvez vous asseoir, répéter les mots et y penser et vous dire intérieurement « la peau ». La peau enveloppe le corps et tout ce qu'il contient. Si on enlève la peau, que voit-on? Qui voudrait s'approcher d'un corps dépecé? Si on enlevait la peau en ne laissant que la chair sur les os, les petits novices sortiraient de la salle de méditation en courant. Ils ne pourraient pas rester. Alors, où est la beauté de la peau? Prenez le temps d'examiner à fond ces 5 objets. Ainsi, vous verrez qu'ils ne sont pas vraiment beaux, et vous cesserez définitivement d'être attiré par eux. Appuyez-vous avec confiance sur ces 5 objets de méditation. Le fait est que les gens aiment bien être dupes. Ils se laissent volontiers duper par les décorations et les embellissements qui ont cours dans le monde. Coiffer les cheveux, maquiller la peau, vernir les ongles, blanchir les dents. En maquillant tout, en transformant des choses non belles en objets d'attirance, on crée les causes de la vision erronée. Quand on ne voit pas clair, on est dupé. Comme les poissons. Les poissons avalent l'hameçon, vous l'avez remarqué. En réalité, c'est l'appât qu'ils veulent manger. S'ils ne voyaient que l'hameçon, ils ne mordraient pas. Ils ne savent pas qu'ils vont avaler un hameçon, mais c'est pourtant ce qu'ils font parce qu'ils sont attirés et trompés par l'appât. Quand ils mordent, l'hameçon se plante dans leur bouche et ils ne peuvent pas s'en libérer. Nous, les humains, sommes pareils. Nous nous laissons attirer par des cheveux, des ongles et le reste, mais nous ne devrions pas les vouloir. Pourquoi vouloir porter le fardeau de ces choses tellement impermanentes et incertaines? Ceux qui y sont attachés sont dupés. Ils pensent qu'elles sont magnifiques, belles et merveilleuses, comme le poisson qui avale l'appât. Le poisson ne sait pas ce qu'il fait. Il mord l'appât mais finit au bout d'un hameçon. Ensuite, il a beau vouloir s'échapper, il n'y arrive pas. Il est pris au piège. Les cheveux, les poils, les ongles, les dents et la peau nous piègent de la même manière. Si nous nous y attachons, aïe! Lorsque nous finissons par comprendre ce qui se passe, il est difficile de s'en sortir. À ce stade, nous envisagerons peut-être de nous retirer du monde en allant dans un monastère. Mais nous nous inquiéterons pour nos enfants, pour nos biens matériels et pour toutes ces choses qui remplissent une vie. Finalement, nous risquons d'être piégés par elles et de rester où nous en sommes jusqu'à la mort. Cela s'appelle être dupé, comme le poisson dupé par l'appât. Nous sommes piégés dans le monde parce que nous pensons que les 5 objets de méditation racines sont attirants et merveilleux, et nous nous laissons absorber par eux toute notre vie. En réalité, ce sont des vétilles, rien d'important, rien de plus qu'un hameçon qui attrape la bouche d'un poisson. je vous demande de bien réfléchir à cela. Ainsi, quand vous vous faites ordonner et que vous étudiez le Dhamma de cette manière, vous pouvez vous détendre. Même si vous retournez à la vie laïque à cause d'un engagement antérieur ou d'une situation grave, vous devez vous souvenir de cela et être prudent en pensant à la leçon. Cela peut vous apporter la paix, que vous soyez ordonné ou pas. Peut-être n'aurez-vous pas beaucoup de temps, mais peu importe. Soyez vigilant. Contemplez ces choses-là. C'est une méditation que vous devriez apprendre, avec laquelle vous devriez vous familiariser, et elle instillera en vous une certaine prudence. Les gens n'ont pas peur et ne sont pas sur leur garde parce qu'ils n'ont pas conscience de ces réalités. Voilà une courte méditation que chacun de vous devrait apprendre à faire.